Le cours pour les participants à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée a eu lieu à Pyongyang le 9 courant. Il a porté sur des moyens pour mieux assimiler l'idée essentielle et le contenu de l'historique lettre du maréchal Kim Jong-un et transformer toute l'union selon le kim-sunisme, kim-jong-lisme, afin de renforcer davantage l'union des agriculteurs en organisation révolutionnaire et militante, fidèle à l'idéologie et à l'œuvre du Parti du Travail de Corée.